Comment il s'appelle celui-là là. J'arrive à jouer avec l'index. J'arrive pas à jouer avec l'index. Aïe. Aïe. Ah, c'est le jack. Ah, c'est le jack. Jack de mauvaise qualité. Quoi ce jack de merde? On va essayer un autre jack.